continue with where we stop on Wednesday. Bevor es weitergeht mit der Botschaft von Mittwoch, I'll quickly go through some few things here that the Lord has for us. Will ich noch einige Sachen durchgehen, die der Herr für uns hat. Das ist auch Teil der Botschaft. Avant qu'on puisse continuer là où on avait arrêté mercredi, je veux vous expliquer encore quelque chose que l'Éternel m'a dit de vous donner. C'est aussi une partie du message, mais oui. The Lord wants us to live in heaven. Der Herr will, dass wir im Himmel leben. L'Éternel veut qu'on puisse vivre au royaume des cieux. And continue to live there. Und dort weiterhin leben. Et qu'on puisse continuer à y vivre. He did not create us to visit there. Er hat uns erschaffen, um dort und diesen Ort zu besuchen. L'Éternel nous a pas créé pour visiter le royaume des cieux. Amen. The Bible says in Ephesians 4 says we are created in his holiness and in his righteousness. In Epheser 4 steht, dass wir in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit erschaffen worden sind. On va lire Ephesians 4. Ephesians 4, 24. Ephesians 4, 24. Said that you put on the new man. The new man is now you. Der neue Mensch ist jetzt du. Il a dit, à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est maintenant toi. Which after God is created in righteousness and true holiness. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. He wants us to continue to live in his heavenly world. Er möchte, dass wir weiter in seiner himmlischen Welt leben. Il veut qu'on puisse continuer à vivre dans son monde céleste. We are not to visit there. Wir sollten diesen Ort nicht besuchen. On ne doit pas visiter cet endroit. Sondern dort leben. Mais on doit vivre dans cet endroit. So also is Galatians 5. If you go to Galatians 5, say the same thing. In Galater 5 steht das Gleiche. Tout comme à Galatre 5, il a dit la même chose. Galatians 5:25. Galates 5, verset 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Saying the same thing. Steht so das Gleiche, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Il a dit la même chose, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. He wants us to live there. Amen. Il veut, dass wir dort leben. Il veut qu'on puisse vivre selon l'Esprit. There is the natural food. Es gibt die natürliche Speise. Il y a la nourriture naturelle. And we know what the natural food can do for the body. Und wir wissen, was die natürliche Speise für den Körper tun kann. Einige von uns wissen das sehr, sehr gut. Et nous on sait ce qu'on peut faire, ce que la nourriture naturelle peut faire avec notre corps. And this food, you know, they are different food also, natural. Yeah. All this natural food, they are so different. Und auch natürlich gesehen gibt es unterschiedliche Sachen, die man essen kann. Même dans la nourriture naturelle, il y a beaucoup des nourritures différentes qui ont aussi des différentes fonctions. And a lot of us also are so expert in it. Et in all this. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont aussi experts dans ce domaine de nourriture. And without natural food, no man can even live here on earth. Und ohne natürliches Essen kann niemand hier auf Erden leben und weiterleben. Et sans la nourriture naturelle, il n'y a personne qui est capable de vivre ici sur terre. Jesus did not say we shall not live by bread at all. He said we cannot live by bread alone. Jesus hat nicht gesagt, dass wir gar nicht von Brot leben sollen, sondern hat gesagt, wir können nicht nur von Brot leben. Jésus Christ n'a pas dit qu'on ne peut pas vivre avec le pain. Il a dit qu'on ne peut pas vivre avec le pain seulement. On a besoin de quelque chose d'autre aussi, à part le pain. Praise the Lord. Amen. So also we have our spiritual food. Genauso haben wir auch unser geistliches Essen. Et c'est comme ça aussi qu'on a notre nourriture spirituelle. Which should be more important than the natural food. Was uns wichtiger sein soll als das natürliche Essen. Qui notre nourriture spirituelle doit être plus importante que notre nourriture naturelle. Both are food. Beides ist Speise. Tous les deux sont des nourritures. Amen. Both can even come from heaven. Beides kann sogar aus dem Himmel kommen. Tous les deux peuvent venir du royaume des cieux. Our natural food is not from here. Unser natürliches Essen ist nicht von hier. Notre nourriture naturelle, c'est pas d'ici. Amen. Praise the Lord. You know, once you now belong to Christ, everything of you is special. Wenn wir zu Christus gehören, ist alles von uns besonders. Quand on appartient à l'Éternel, tout ce qui nous concerne, c'est spécial, c'est autrement que ce monde. Amen. You know, we have our food. You know, the natural food. That's the bread. We can even buy the same bread in Aldi. But that bread, our bread is special. Because anything we touch that not belong to us is something else. Wir können das gleiche Brot kaufen bei Aldi wie die Ungläubigen, aber sobald wir es anfassen, ist es gesegnet, das ist anders. On peut acheter même le même pain avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais dès que nous on a notre dans les mains, ça devient quelque chose surnaturel parce que tout ce qui nous appartient, dès que ça nous appartient, c'est surnaturel. You know, even satanic world they understand that. It's like the water in Lagos. You know, they call it in Benin, they call it Olokun, that is God of sea. And once they take the water, they don't see the water as just water. They see it as supernatural water. But people go there, use the water as just natural water. Are you getting it? Mm. So also, once you go, anything of you, they are no longer natural. Until things are no longer natural with you, they profit you nothing. That's how you see things that with you that they are all, your clothes, everything. They are all supernatural. Und in der satanischen Welt. Not only you. Sie wissen, dass beispielsweise die bestimmte Gewässer in Nigeria beispielsweise dem Wassergott gewidmet sind oder den Wassergott auch verehren, aber auch repräsentieren. Genau. Und dass wenn du dieses Wasser nimmst, nimmst du sozusagen einen Teil von diesem Gott mit dir mit. Und so sehen das Satanisten dort. Aber es gibt andere Leute, die einfach ihre Klamotten damit waschen. Also, ne, so wie du das siehst, so ist dieses Wasser dann für einen. Par exemple, en Nigeria, il y a un lac là. Et ce lac là, c'est le lac qui appartient à des dieux dans le monde surnaturel du diable. Il y a des sorciers qui disent que si tu pars dans ce lac pour puiser de l'eau, c'est comme si tu prends une part de ce dieu-là. Parce que cette eau-là, ce lac-là, représente ce démon-là, ce dieu de leur monde des ténèbres. Et c'est pour cela qu'ils ont respect de ce lac. Mais autres personnes qui ne le savent pas, ils partent là-bas, ils lavent les habits dedans. Donc pour eux, ça ne les affecte pas. Donc, comme toi, tu vois ton Dieu, comme toi, tu considères les choses, c'est comme ça que les choses seront aussi pour toi. I've seen them also worshiping that same God in Brazil, and also in Cuba. In television, I saw them worshiping the God of the sea. The use is mostly of water, have to do with water. They worship water, sea. So, and that same sea, people go there, take the water and wash their clothes. Mm. Are you getting it? Mm. I just see it as and some decoration. You know, people use it. You know, all this big belle. Big belle in some people's house is different. I don't know. Big this Buddha. You know, some people use it as decoration. Some, they just worship it. Mm. You know, that's how it is. Your food is how you see. That's, if you, that is a magnify the Lord. You know the song we sang? Mm. Whatever you call your things, they are what they are. Mm-hmm. Whatever you call the Lord is who the Lord is. Mm-hmm. The Lord, if you don't magnify him, be small. Mm-hmm. I hope you get it. Mm-hmm. Whatever you call things is what they are. Und beispielsweise auch in Argentinien gibt es diese Rituale, wo Leute Leute das Wasser anbeten und das Wasser verherrlichen. Und genauso ist es ja auch mit diesen Buddha-Statuen. Das heutzutage ist das in Buddha-Statuen im Wohnzimmer zu haben, im Garten stehen zu haben. Das sieht schön aus, das hat irgendwas Harmonisches für ein paar Leute. Aber für andere Leute, das ist deren Gottheit und sie beten das an. Ne? Und so wie das dann für diese Leute ist, so wird das dann auch für die Leute funktionieren. Na, wenn du diese Statue einfach nur als Statue siehst, als Deko-Objekt, ist es für dich nur ein Deko-Objekt. Aber wenn du es als Gottheit siehst, ist es halt eine Gottheit für dich. Et par exemple aussi, quand tu vas voir, il y a aussi autres pays comme en Argentine ou bien au Cuba, eux aussi ils sont en train de glorifier le dieu de l'eau. Mais par exemple, si tu connais le Bouddha, la statue de Bouddha, vous connaissez, et là c'est le monsieur avec le gros ventre. Et celui-là, par exemple, quand tu lui mets, il y a d'autres personnes qui croient en lui et qu'il en chez eux à la maison parce qu'il croit en lui. Et il y a autre personne qui trouve que c'est mignon et ils ont ça comme la décoration. Donc, si tu es en train de prier sur ce Dieu-là, vu que tu crois à ce Dieu-là, ça aura aussi un effet sur toi. Mais si tu mets ça comme décoration, ça peut être aussi que activement, ça n'aura pas un effet sur toi. Praise the Lord. Before you ask the question, come. You know, if you belong to the Lord, wenn du zum Herrn gehörst, here we will guide and direct you what you will use to decorate your house. Wird er dich leiten, womit du dein Haus dekorieren sollst. Si toi tu appartiens réellement à l'Éternel, lui va même te diriger à décorer ta maison. And you will not use their idol to decorate your house. Du wirst nicht deren Götzen benutzen, um dein Haus zu dekorieren. Et tu vas même pas utiliser leur idole pour décorer ta maison. Are you getting it? Because if you know, if you look at that, you know, it's a lot. If you look at their garden here, they put this Buddha, their stalls, their seat there, you know, office, they put it there. And those people, they don't put it as decoration alone. Most of them. That you do not know that it's even the worship idol. Satan can see, go even through it or even affect you in one way or the other. Mm-hmm. It's like dressing like Satan. Mm-hmm. If you dress like Satan, you invite him. There's order in things. Mm-hmm. I don't know if you're... Yeah, yeah, yeah. Ja, und diese Leute, die halt diese Buddha-Statuen im Garten stehen haben oder im Büro stehen haben, die meisten von ihnen haben einen Bezug zu diesen Statuen, ne? Und deswegen haben diese Statuen auch einen gewissen Effekt auf sie, auch wenn es unbewusst vielleicht ist und sie das einfach nur als Deko-Objekt sehen, ist da eine gewisse Macht hinter, die diese Leute auch beeinflussen wird, ob du es weißt oder auch nicht. Genauso deswegen soll man sich ja auch nicht wie der Teufel verkleiden. Es gibt Leute, die an Karneval sich wie der Satan verkleiden und sagen, das ist ja nur eine Verkleidung. Aber dennoch hat diese Sache einen Geruch, eine Macht hinter sich, die man nicht unterschätzen darf, auch wenn man selber unwissend ist. Il y a aussi des gens qui sont en train d'acheter pour décorer tous ces boudins dans leur place de travail ou bien à la maison. Même s'ils ne le font pas pour adorer ce Dieu-là, mais ça a toujours une petite... ça va aussi t'affecter. Peut-être pas activement, mais passivement, ça va t'affecter. C'est tout comme quand tu parles au carnaval, par exemple, qu'il y a les gens qui sont en train de se déguiser comme du diable. Eux aussi, il y a aussi passivement, il y a aussi... c'est comme si tu étais en train d'inviter le diable. Malgré, tu ne penses pas que le diable est ton Dieu, mais tu es en train de l'inviter passivement et ça aura aussi un effet pour toi. Deswegen wird dich der Heilige Geist auch leiten, wie du deine Wohnung zu dekorieren hast. Dass du dir dann nicht irgendwelche Buddha-Statuen oder Aleister Crowley-Porträts irgendwo hängst und einfach sagst, sieht schön aus und passt zur Einrichtung. Sondern dass du da weise bist. Et c'est pour cela, quand tu appartiens à l'Éternel, c'est lui qui va t'aider à te diriger comment aussi décorer ta maison. Amen. And once you now have a relationship with Christ, he will teach you how to love what he loves and hate what he hates. You just see this, it become automatic. Und wenn du dann eine Beziehung zu Christus hast, wird dir doch helfen, das zu hassen, was er hasst und das zu lieben, was er liebt. Es ist wie eine Beziehung, wo du einfach dann dieser Person immer mehr ähnelst in ihren Interessen, in ihrer Sichtweise. Es kommt automatisch. Et c'est pour cela, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, il va t'aider, il va te faire voir individuellement d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Tu auras le même goût comme lui. I wanted to ask because you said that what something is for you, it will be, no? But if I say that Jesus Christ is God and you are going to stand before him on judgment day and you're going to stand before him when someone dies, and someone else says, yes, that's your truth, but I don't believe that, so it's not going to happen for me. Because you believe it, that's why it's going to happen for you, but I don't believe that, so it's not going to happen for me. When I die, nothing will happen. Aber das kann man nicht so gleichsetzen. That is different. Das was that anderes. Is salvation. Okay. Mm-hmm. That is concerning salvation. Mm-hmm. I'm talking about God's children. Okay. Mm-hmm. God's children, if you do not see... If you do not... The song said, magnify the Lord, make him bigger. Mm-hmm. And see that whatever everything of you, they are Christ. And If you do not see them as Christ, you see them as evil. They are going to work for you. Okay. Es geht halt um Kinder Gottes. I'm talking about God's children, not unbelievers. Es geht halt um Kinder Gottes, dass wenn du halt Christus also wir sollen Christus verherrlichen. Wenn wir ihn verherrlichen, werden wir ihn auch verherrlicht oder groß sehen. Aber wenn wir ihn immer wieder klein machen, dann wird er auch klein für uns sein. Oder wenn wir immer wieder Dinge verfluchen, werden sie auch verflucht für uns sein. Deswegen sollen wir auch unseren Besitz segnen, damit er gesegnet ist. Ce qu'elle dit maintenant là, c'est ça concerne seulement les enfants de Dieu, parce que l'Éternel est grand dans ta vie, seulement comme toi tu le vois. Ça signifie que on est en train de chanter nous tous ici, on est en train de le magnifier. Mais quand on va partir à la maison, est-ce que tu le vois vraiment grand comme toi, comme tu le loues par exemple? Parce que tu peux rentrer à la maison et te dire que ah, je limite l'Éternel, sans vouloir, pas dans un mauvais sens, mais tu limites l'Éternel. Il faut aussi rester limité. Mais si toi tu pars à la maison, tu dis que non, l'Éternel est capable même à me dire qu'est-ce que je veux mettre aujourd'hui ou bien qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui, il va aussi le faire. Mais toi, si tu penses que oui, l'Éternel peut me guérir, mais il ne peut pas me dire comment me vêtir ou bien qu'est-ce que je peux manger, il ne va pas aussi le faire. Donc, c'est toi qui vas influencer comment il sera grand dans ta vie. It's like 2 fish and 5 loaves that Jesus used to feed thousands. So we Jesus five did fish not see those fish as 2 fish and 5 loaves. Mm. He did five if fish. If you see it as 2 fish, they will never feed thousands. Mm. Und fünf Brote. Jesus hat diese Menge nie als kleine Menge gesehen. Er hat sie in sich selbst gesehen, in Christus gesehen. Und deswegen konnte es ja auch tausend von Leuten satt machen und so viel ist noch übrig geblieben, weil er es in Christus gesehen hat und nicht so wie die Welt es gesehen hat. On peut voir aussi à l'exemple avec Jésus-Christ, avec les 2 pains et les 3 poissons. Non? Lui, l'Éternel Jésus-Christ, il n'a pas vu juste 2 pains et 3 poissons. S'il voyait ça comme 2 pains et 3 poissons, il n'allait pas le bénir et donner. Il allait dire que ah mais c'est peu. Mais vu que lui, dans ces 2 pains et 3 poissons, il a vu la grandeur de Dieu dedans, il a lui-même cru que c'est pas 2 et 3, qu'il c'est plusieurs. C'est pour cela qu'il avait aussi la foi et il a pris ça et il a distribué. Donc il n'a pas vu ça comme nous on va le voir naturellement. That's why you don't underrate anything you have. Das ist aber nichts unterschätzen, was wir besitzen. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit aussi, on doit jamais sous-estimer ce qu'on possède. Because you know, people curse their body, they curse everything, they curse what they have, they curse their property, they curse their car, this stupid car, this short. They call them names, but you know, in heaven, there's nothing evil in heaven. Amen. Beispielsweise Leute verfluchen ihr Auto oder verfluchen ihren Körper, weil sie irgendwelche Körperteile an sich nicht schön finden. Und wir sollten das nicht niemals tun. Wir sollen die Dinge segnen und nicht verfluchen. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont en train de maudire leur corps. Oh, moi, mon ventre, ça ne marche pas. Ou bien, bon, ma voiture ne marche jamais. Nous, au royaume des cieux, on n'est jamais en train de... On doit jamais maudire les histoires qu'on possède. On doit toujours les bénir parce que n'importe comme elle est, physiquement ou bien naturellement, pour le royaume des cieux, c'est toujours quelque chose de grand. You know, when their hand is like this and they are cursing it, say, my hand is moving, are you getting it? You don't know if that hand is the hand that the Lord will reveal to somebody that he will even use to identify you, to come to you, in one way or the other. I hope you understand what I just said. Und verfluchen beispielsweise unseren Körper oder unsere Körperteile beispielsweise. Und es kann sein, dass der Herr genau dieses Körperteil, was du so schrecklich und schlimm findest, nutzt, um jemand auf dich aufmerksam zu machen, weil diese Person vielleicht Christus braucht dadurch. Ne? Und du verfluchst aber diese Sache, die der Herr für seine Verherrlichung nutzen möchte. Ja, par exemple, des gens qui ont par exemple une main qui n'est pas, qui ne fonctionne pas très bien et la personne elle est en train de maudire cette main, dit mais cette main ça ne fonctionne jamais, non, c'est pas normal, quelque chose comme ça. Mais peut-être l'Éternel veut utiliser cette main qui est un peu différente pour t'identifier, pour envoyer quelqu'un vers toi pour que tu puisses prêcher à cette personne. Tu ne sais jamais. Praise the Lord. Alléluia. Yes, Papa, want to put this something. Even what we are saying now has to do with faith. And faith is what you don't see with your physical eye. Faith is spiritual. The true believers of God through Jesus Christ, whatever we say, we should always watch it. Don't allow the flesh to tell you that it doesn't matter. those people who are really true devil worshippers, they don't say anything with their mouth. The ordinary magician, don't just say, once he says something, it happens. The real magician, for example, you don't just say it. They don't make fun with it. They don't make fun of what they say. It's worse. We as God children, we shouldn't make fun with what we say. Even the people in the world, there are certain things they also believe that is a little bit similar. Like, they say sometimes that old age is in your head. What's the meaning of that? That is the way you feel you are. That's the way you be. If you feel young, you will buy young clamotin, young things. If your brain, you are thinking and feeling old, you'll be using old school things. Praise the Lord. Hallelujah. It's similar. Und genau deswegen sollen wir halt auf unsere Worte auch achten, weil selbst Leute in der satanischen Welt, weil sie eben eine geistliche Macht in sich tragen, wissen sie, dass ihre Worte halt Macht haben und deswegen sagen sie nicht einfach alles, weil sie wissen, dass das, was sie sagen, sich manifestieren kann. Und wie viel mehr sollten wir, die ja der Kopf aller Gewalten sind durch Christus, auf unsere Worte achten, ne? Und darauf achten, dass wir halt eben nicht Dinge verfluchen, die wir nicht verfluchen sollen oder Dinge segnen, die wir eben nicht segnen sollen, ne? Sondern dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. C'est tout comme nous avec, c'est tout ça avec ça avec ça avait à faire avec la foi, parce que même les gens de ce monde, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas seulement parler n'importe comment. Ils savent que ils doivent faire attention avec leurs mots, ce qu'ils sont en train de dire, parce que ça va affecter aussi leur vie. Quand ils sont en train, ils ont une mauvaise habitude de parler. Et à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, quand on parle, on doit vraiment être aussi savoir si les gens de ce monde peuvent savoir une chose comme ça. Combien de plus, nous sommes des rois et on doit apprendre à vivre selon la volonté de notre Père. Et lui, il veut qu'on puisse, on puisse savoir que notre bouche, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Praise the Lord. Hallelujah. Again, to live and to continue to live in heaven, we need our heavenly food. Um im weiterzuleben und im Christus im Himmel weiterzuleben, brauchen wir unsere himmlische Nahrung. Pour vivre et continuer à vivre dans le royaume des cieux, on a besoin de notre nourriture spirituelle. So just as you, for you to be here on earth, you need your earthly food. Genauso wie damit wir hier auf Erden sind, weiterhin sein können, brauchen wir irdisches Essen. Tout comme quand on est ici naturellement sur terre, on a besoin de notre nourriture naturelle avec toutes les vitamines qu'on a besoin ici. The Bible said that we are being translated into heaven. Die Bibel sagt, wir wurden versetzt in das in den Himmel. La Bible. Colossians, please. Colossians 1. Kolosser 1. Praise the Lord. Alléluia. On va lire Colossiens 1 pour voir qu'on a été transféré dans un autre monde, dans un monde céleste. Colossiens 1, 13. Amen. It says, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. We have been translated. We are not going to be translated, but we have already, who have translated us into the kingdom of. We already have. Wir sind schon im Himmel. Wir wurden schon versetzt. Colossiens 1, 13 nous dit que okay. Colossiens 1, 13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transporté. Donc, ce n'est pas qu'on sera transporté. Nous sommes déjà de là et on est déjà dans le royaume des cieux. On y vit déjà. You see that? C'est clair ici. Then in verse 12, verset 12, il dit, give it thanks unto the Father, which has made us, past tense. Talking about you and me. Er hat uns Teil Tisch gemacht. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il nous a déjà rendu capable, pas il va nous rendre capable. C'est le présent. He's talking about we are no longer here. Es geht darum, dass wir nicht mehr hier sind. We are of heaven. Wir sind vom Himmel. Wir sind im Himmel. Ça signifie qu'on n'est plus d'ici. Nous sommes maintenant les citoyens du royaume des cieux. He said, which hath made us to to made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Do you get it? Mm-hmm. The period we are now is different from the period of the sun. In Philip, in Matthew 4, go to Matthew 4. Zeit, in der wir jetzt sind, ist anders als die Zeit des Sohnes. Look at Matthew 4. Le temps qu'on a maintenant ici, c'est le temps qu'on, c'est différent que le temps de du Fils quand Jésus-Christ était ici, parce que on a un autre temps de Saint-Esprit. On va le lire à Matthieu 4. Matthieu 4. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. 4, 17. 17. You know, here, this was the period of Jesus' ministry. Das war die Zeit von Jesus' ministry. C'était le temps du ministère de Jésus-Christ. He has not paid the price, but he was on his way. Er hat den Preis noch nicht bezahlt, aber er war auf dem Weg. C'était le temps de Jésus-Christ. Il n'avait pas encore payé le prix. Mais il était entré, il était dans son, il était, il voulait le faire. The kingdom of heaven have not started here. Das Königreich des Himmels hat hier noch nicht angefangen. Ici, le royaume des cieux n'avait pas encore commencé. Who understand it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. He said, from that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is about to come. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Are you getting it? Mm-hmm. Well, you know, and Jesus, when he sent the 12, when he sent the 70s, what was he telling them? He was telling them that, he said, only the message he gave them was that they should repent, for the kingdom of heaven is about to come. Mm-hmm. That was all the message. Are you getting it? Mm-hmm. Als Jesus die 70 losgeschickt hat, hat er sie mit der Botschaft losgeschickt, dass sie verkündigen sollen, dass die Leute Buße tun sollen, weil das Königreich Gottes nahe ist. Et quand Jésus-Christ avait envoyé les 72 pour prêcher, qu'est-ce qu'il disait de prêcher? C'était seulement un petit message. Il voulait que tout le monde puisse se repentir parce que le royaume des cieux est proche. C'était ça qu'il disait. C'est son message en fait. If you look at here, he's telling us that it's a matter of time we are going to be in heaven. Er sagt uns, es ist noch eine Frage der Zeit, nur eine kurze Zeit, und dann werden wir im Himmel sein. Et là, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? Il dit que c'est seulement une question du temps pour qu'il puisse être dans le royaume des cieux. Though we are still here, but we will be in heaven. Wir sind immer noch hier, wir werden im Himmel, aber dennoch im Himmel sein. Malgré nous sommes ici, mais on sera bientôt au royaume des cieux. Because a kingdom has come called the kingdom of heaven. Denn ein Königreich ist gekommen, was das Königreich des Himmels genannt wird. Parce qu'il y a un royaume qui est venu, et ce royaume, ça s'appellera le royaume des cieux. And said that we have been translated into today. We are already there. Wir versetzt worden sind in dieser Zeit jetzt, der Zeit des Heiligen Geistes. Et c'est ça nous dit que dans Colossiens on vient de lire que maintenant que le temps est venu, le royaume est venu, nous sommes maintenant transférés dans ce royaume, du royaume des cieux, qui est déjà maintenant, qu'on y vit maintenant. If you look at churches today, their problem is that they never believe they are already in heaven. Das Problem der Kirche und sagt, dass sie nicht glauben, dass sie schon im Himmel sind. Et si tu vois le problème de religieux aujourd'hui, le problème est que ils ne croient pas, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont déjà en train de vivre dans le royaume des cieux. Satan a helped them to understand through religion that until you die, you are not in heaven. Der Satan hat durch Religion ihnen weiß gemacht, dass sie erst im Himmel sind, wenn sie sterben. Et le roi de ce monde, le diable, les a manipulés et eux ils pensent que c'est quand tu meurs, c'est à partir de là que tu peux entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est faux. If you combine here, if you add that to Colossians 1 again, go to Colossians 1 again. Colossians. Colossians 1. Amen. Amen. Verse 13. Colossians 1, 13. He said, who hath delivered us from the power of darkness? He's talking about the kingdom of this world. Es geht um das Königreich dieser Welt, die Herrschaft der Finsternis. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et là, il parle du roi de ce monde. And hath translated us into the kingdom of his dear son. We belong to another kingdom, which is called the kingdom of heaven. Kolosser 1:13, wir gehören zu einem neuen Königreich, was das Königreich des Himmels genannt wird. On est rentré à Colossiens 1:13 qu'on lisait avant, et il dit que on est maintenant en train de vivre dans un nouveau un royaume qui s'appelle le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Heaven starts from here. Der Himmel fängt hier an. Le royaume des cieux commence déjà ici. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven have its own food. Der Himmel hat seine eigene Speise. Le royaume des cieux a sa propre nourriture. Amen. The earth have their food. Die Erde hat ihre eigene Speise. Ce monde ici a son propre nourriture. Amen. Amen. The Bible says Christ is our food. Bibel sagt, Christ ist unsere Speise. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est notre nourriture. Jesus as our food. Without him, we cannot live in heaven. Denn ohne ihn können wir nicht im Himmel leben. Jésus-Christ est notre nourriture parce que sans Jésus-Christ, on peut même pas vivre au ciel. Just like without the natural food, you can just live for some time here. Genauso mit der natürlichen Speise. It's a matter of your body will die. Du because you need that food. Nur eine gewisse Zeit auf Nahrung, Essen verzichten. Irgendwann wirst du das brauchen, was du nicht bekommst, stirbst du. C'est tout comme le royaume de ce monde. Ici sur terre, tu dois manger. Tu peux jeûner comme tu veux, mais si tu vas manquer la nourriture pendant beaucoup de plusieurs jours, tu seras, ça va t'affecter, tu seras malade. Et c'est comme ça aussi avec le royaume des cieux. So also to live in heaven and continue to live there in the kingdom of heaven. You need heavenly food. And that heavenly food is Christ Jesus. Ja, und um Königreich Gottes weiterzumachen, dort zu bleiben, dafür brauchst du die himmlische Speise. Und diese himmlische Speise ist Christus Jesus selbst. Et pour vivre dans le royaume des cieux et de continuer à vivre là, tu as besoin de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Religion have their food. Religion hat seine Speise. Parce que même la religion a sa propre nourriture. They also need their food so that they can be able to remain there. Sie brauchen auch ihre Nahrung, um weiterhin in der Religion gefangen zu bleiben. Parce que eux aussi ils ont aussi besoin de leur nourriture pour rester dans la captivité de la religion. Are you getting it? Amen. Amen. There's what is called. Praise the Lord. Hallelujah. There's what is called visible and invisible heaven. Es gibt den sichtbaren und visible unsichtbaren Himmel. Invisible things. Es gibt sichtbare. There are what are called visible and invisible things. Es gibt sichtbare und unsichtbare Dinge. Parce qu'il y a même des histoires qui sont visibles et aussi invisibles. Visible and invisible heaven, for example. Amen. Visible and invisible heaven, der sichtbare Himmel und der unsichtbare Himmel beispielsweise. Il y a le monde visible et le monde invisible. Amen. Then another visible and invisible God. Oder der sichtbare oder ein unsichtbarer Gott. Et un monde qui est visible et aussi un monde qui est invisible. Things are either visible or invisible. Dinge sind entweder sichtbar oder unsichtbar. Les choses sont visibles et aussi invisibles. Go to Colossians. Colossians 1 again. Ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. The Bible called Jesus the invisible God. Bibel nennt Jesus den unsichtbaren Gott. The invisible God. Car en lui, den sichtbaren oder unsichtbaren? Visible. Den sichtbaren. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône digne, domination, donc, domination, autorité. Et Dieu, on l'appelle aussi le Dieu visible. The image of invisible God. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Il est l'image de Dieu, il est l'image de Dieu invisible en fait. It means he is the visible God. Ça veut dire c'est sichtbare Gott. Ça signifie que lui il est la version visible de Dieu. Not the difference between what man called image and what Christ called image. Wir kennen den Unterschied zwischen dem, was diese Welt Ebenbild nennt und was Jesus Ebenbild nennt. Et tu dois apprendre à connaître la différence entre ce que le monde appelle une image, la même image, et ce que Dieu appelle la même image. God and all heaven have his own image. Der Himmel hat sein eigenes Ebenbild. Parce que le royaume des cieux a son propre image. And that image is for us. Und dieses Ebenbild ist für uns. Et cette image, c'est pour nous. And that image is good for us. Und dieses Ebenbild ist gut für uns. Et cette image de Dieu là, c'est bien pour nous. And the Lord wants us to embrace that image. Und der Herr will, dass wir dieses Ebenbild akzeptieren. C'est une image, la ressemblance de Dieu, Dieu disant, et l'Éternel veut qu'on puisse accepter cette ressemblance. Go to 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthiens 4:4. On va lire 2 Corinthiens 4:4. Praise the Lord. Amen. Amen. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Are we there, please? Mm-hmm. He said, in whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image. I hope you can make you understand what is here. The light of the glorious gospel. He called the gospel of Christ the image of God. Er nennt das Evangelium von Christus das Ebenbild Gottes. Il appelle l'évangile de l'Éternel, il appelle la ressemblance du Christ. Il a dit, can I read it? Okay. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'évangile de Christ est l'image de Dieu. I hope you understand. Amen. Mm-hmm. The Bible calls Christ's gospel heavenly image. You call it image. Die Bibel nennt das Evangelium von Christus das himmlische Ebenbild. La Bible appelle l'évangile de Jésus-Christ l'image exacte de Dieu. The gospel of Christ is the image of God. Das Evangelium von Christus das Ebenbild Gottes. Et l'évangile de Jésus-Christ c'est l'image exacte de Dieu. You know God warned us against images. Gott hat uns gewarnt vor Ebenbildern. God warned us against 20. Dieu nous a vraiment averti contre les images ou bien les oui les ressemblances. On va lire à Exode 2 Mose 20. Exode 20. Verse 4. Exodus 20, verse 4. Exode 20, verse 4. He said, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. I hope you are getting something here. He said, no, there should be no image. Es soll kein Ebenbild geben, kein Bildnis geben. Donc ici, il nous dit, à Exode 24, il nous dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de présentation quelconque des choses qui sont en haut. Donc il n'y aura point d'image taillée. Yeah, he said, don't make it for yourself. Hier steht, du sollst es nicht für dich selbst you machen, make it. Dass du das für dich selbst machst. Donc, ne le fais jamais toi-même, cette image. Are you getting it? It is the Lord that gave us his gospel. Es ist der Herr, der uns sein Evangelium gegeben hat. C'est l'Éternel qui nous a donné son évangile. We just read in 2 Corinthians 4:4, where he said, that gospel is the image of God. Wir haben halt gelesen, dass dieses Evangelium, das Evangelium, das Ebenbild Gottes ist. On vient de lire que cet évangile, c'est l'image exacte de Dieu. On venait de le lire. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I don't know if we have to go here also. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ, the image of the invisible God. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jésus Christ est l'image parfaite du Dieu visible, invisible. Amen. Mm-hmm. Christ, the image of the invisible God. He's talking about the gospel of Christ. Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Donc ici il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'évangile. Il est aussi l'image parfaite de Dieu invisible, parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu visible pour nous. That's why, you know, if you go back to Colossians 1, go back to that very place. Colossians. On va lire Colossiens 1. Praise the Lord. Colossians 1. Colossiens 1. He said, who is the image of the invisible, verse 15. 15. Colossiens 1, 15, on va rentrer là où on est. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Mm. It's not talking about picture that you put there on a table, or are you getting it? Yes. Or something you mold, the carved wood, they make different things. Mm. It's talking about the gospel of Christ. Es geht nicht um ein Bild, was du irgendwo ausdrucken kannst, oder eine Statue, die du die irgendwo hinstellst und verstauben kannst, sondern es geht um das Evangelium von Christus. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc l'image de l'Éternel qu'on doit avoir, c'est l'Évangile soi-même. C'est pas une statue de Jésus-Christ qu'on a mis à la maison, mais c'est l'Évangile soi-même. C'est ça notre image. Are you getting it? You know, they make different images everywhere today. Heutzutage machen sie verschiedene. You know, Jesus, Bilder. They make a picture of Jesus picture. They sell it everywhere, even in Nigeria. Yeah, so, you know, the Catholic, especially, the expert in it. Die Katholiken sind Experten darin. Sie drucken irgendwelche Jesus-Bildnisse als Sticker, als alles hast du die dann. Und du denkst, dass das Jesus ist und dass das dir Glück bringt, wenn du sowas trägst oder sowas bei dir hast. Mm. Parce que, par exemple, les catholiques, par exemple, ils ont toujours une image de Jésus-Christ à la maison ou bien quelque part, ils disent que oui, ça, c'est notre Dieu. Non? Mais ça, c'est faux. Ça, ce sont les catholiques qui font des histoires comme ça. If you go to Leviticus 26, go there. Wenn du zu 4. Mose 26 gehst. Si tu pars à Lévitique 4, 26, pardon. Leviticus 26, verset 1. Lévitique 26, verset 1. 4. Mose 26, 1. 26. 26, verset 1. Are we there? Mm-hmm. It says, ye shall make you no idols. No graven image, neither rear you up a standing image, neither shall you set up any image of stone. Dritter Mose 26. In your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. Dritter Mose 26, 1. Ihr sollt keine Götzen machen, ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten, auch keine Steine mit Bildwerken in eurem Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Amen. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni l'image taillée sur, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Are you getting it, please? No, Christ, the image of the invisible God, is not talking about pictures or mold something or even the cross that the people put on their neck or put on their places. It's not talking about that. Wenn der Herr Ebenbild spricht, spricht er nicht über diese Bilder von Jesus oder Jesus am Kreuz oder diese Kreuzketten. Es geht schon um das. Ou bien quand il s'agit pas que quand de ne pas avoir une chaînette en croix ou quelque chose comme ça. Jésus-Christ, Dieu ne parle pas de ça ici. I don't even see those crosses as anything. Und ich, für mich diese Kreuze haben keine Bedeutung. Et pour moi, ces croix là n'ont pas de signification. Are you getting it? Yes. You know there was a time they said is it in America they said they are removing cross from the schools. Yes. Yeah. In Berlin, Zora. You are very funny. What is the meaning? As if it's Christ. That's not Christ. It's religion. They should remove religion from everywhere. Every religion should be destroyed. Are you getting it? It's only Christ that is to remain. Christ, the gospel of Christ is Christ. I'm not all these images that they have everywhere. Mm. Amen. Genau. Und auch es gab eine Zeit, wo es in Amerika hieß, dass viele in Schulen die ganzen Kreuze weggenommen werden, ne? Oder auch in Berlin wurde das anscheinend auch gemacht. Und die Leute haben dagegen protestiert und waren dagegen, aber dieses Kreuz ist nicht Jesus Christus, nicht das Evangelium, dieses Holzkreuz, was da hängt, ne, und verstaubt. Sondern es geht um die Botschaft. Il y avait des gens aussi qui sont en train de se lamenter parce que dans une école ils ont dit que vu qu'il y a aussi des musulmans aussi dedans, on doit enlever les croix dans la classe. Et les gens ont commencé à se discuter, donc il y a eu la politique a commencé encore, hein, donc les gens religieux. Et là, ça, c'est pas Jésus-Christ, parce que cette croix, ça, il s'agit de l'extérieur, c'est même pas Jésus-Christ, c'est même pas l'intérieur. Donc, pour nous, si tu connais la vérité, ça va même pas t'influencer, ça va même pas te faire donner la colère. Praise the Lord. Hallelujah. If we go to 2 Corinthians 4:4 again. Wenn wir nochmal zurück zu 2. Korinther 4 gehen. Si on rentre à 2 Corinthiens 4:4. We call the gospel of Christ. Amen. It is invisible Christ. The gospel of Christ is invisible Christ. Das Evangelium von Christus ist der unsichtbare Christus. Dans Corinthiens 2 Corinthiens 4:4, il a dit que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Amen. The gospel of Christ is real. Das Evangelium ist wahrhaftig, aber es ist unsichtbar. L'évangile de Jésus-Christ est vraiment vrai, c'est une vérité, mais c'est aussi invisible. And that's why you cannot mold it and put it in somewhere. Formen und irgendwo hinstellen und es anbeten. Et vu que l'évangile c'est quelque chose qui est invisible, c'est pour cela que tu n'es pas capable à le former et à le cacher quelque part ou bien à le décorer quelque part parce que c'est invisible. I hope you are getting something. Yes. Amen. The kingdom of heaven is invisible. Das Königreich des Himmels ist unsichtbar. Le royaume des cieux, c'est invisible. Amen. If you go to Luke 17. Let us go to Luke 17. Si tu lis Luc 17. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 17. Lucas 17. Luc 17. Verse 20. And 21. 20 and 21. Verses 20 and 21. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, "The kingdom of God cometh not with observation." I don't know if you got something. Es kommt nicht mit Beobachtung. Ici, Jésus-Christ répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, c'est pas, ça vient pas, oui. He said, neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is within you. It is invisible. Es ist unsichtbar, mitten unter euch. On ne dira point, il est ici ou il est là, car... Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ça signifie que le royaume des cieux, il est invisible, mais il est au milieu de nous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Let us go to John 6. Johannes 6. John 6 talk about Jean 6. Two bread. Johannes 6 gibt zwei Brote. Dans Jean 6, il s'agit de deux pains différents. Talks about Christ, our bread. Il s'agit de Jésus-Christ, ce qui est notre pain. Il est notre nourriture. Heavenly food. Unsere himmlische Speise. Notre nourriture céleste. Love that food more than love earthly food. Liebe diese Speise mehr als deine irdische Speise. Tu dois aimer ton pain surnaturel plus que le pain naturel. First of all, from verse 48 to 50. Johannes 6, 48 bis 50. Jean 6, 48 à 50. Praise the Lord. Alléluia. He said, I am the bread of life. Amen. Amen. That's Christ Jesus. Je suis le pain de vie. Talking about his gospel. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er spricht über sein Evangelium. C'est Jésus-Christ qui dit qu'il est le pain de vie et ici, il parle aussi de son évangile. You know, the flesh will see it as he wants to give us his body to eat. Das Fleisch wird denken, er gibt uns seinen Körper zu essen. Wir sollen seinen Körper essen. Les gens de ce monde, ou bien la chair, va te faire croire que lui, il veut maintenant couper un de ses bras pour te donner que tu puisses manger son bras ou bien son pied, je sais pas quoi. Amen. Amen. I am the bread of life. Your father did eat manna. Manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, and a man may eat thereof and not die. Amen. The bread from heaven. Amen. Food from heavenly food. Himmlische Speise. Ici dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Ça c'est le pain du ciel. All other food you will eat it and die. Jegliche andere Speise, du wirst davon essen und sterben. Parce que tout autre pain, tu vas manger, mais tu vas continuer à mourir. Religion have their food. It's also spiritual food. Religion but you eat it and you die. Hat seine Speise, es ist auch eine geistliche Speise, aber du isst davon und stirbst. Langsam. La religion aussi a aussi sa propre manne, sa propre pain, sa propre nourriture, pardon. Tu peux le manger, mais tu vas continuer à mourir. If you look at verse 32, look at verse 32 here. 32. On va lire verset 32 de le même Jean 6. Amen. Amen. Talk about two food from heaven. Hier geht es um zwei Speisen, zwei Brot aus dem Himmel. Et ici, il parle de deux pains différents du royaume des cieux, du ciel. Once you eat one, you will never die. The other one, once you eat it, you will still die. Eins davon isst du und du stirbst. Eins, du wirst niemals sterben. L'un, tu vas manger, tu vas mourir. Et le deuxième, tu vas manger, tu vas jamais mourir. J.K., can you help us to read verse 32? Verset 32, Jean 6. Und da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Amen. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven. That bread, you know, Psalm 78, manna from heaven. It's food from heaven. Psalm 78, c'est Brot vom Himmel. Es kam aus dem Himmel. Dans Psalm 78, on voit que c'était le pain qui venait du ciel. On le lit, ça venait aussi du ciel. Remember, the Bible said, heaven and earth will pass away. Erd, euch wie gesagt, Himmel und Erde werden vorübergehen. Die Speise von Mose wird vorübergehen. Et la Bible nous dit que la nourriture de Moïse, ça va passer, tout dans ce monde va passer. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Yeah. Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the bread. The true bread from heaven. Amen. The true bread. There is what is called the true bread. Es gibt das wahre Brot. Il y a ce qu'on appelle le vrai pain. Amen. Amen. You know, that natural bread they ate came from heaven. Das natürliche Brot, was sie von gegessen haben, es kam auch aus dem Himmel. Le pain naturel qu'ils ont mangé, ça venait aussi du royaume des cieux. Amen. But it cannot save life. Aber es kann kein Leben retten. Mais ça peut pas sauver le la vie. Amen. Amen. And then there's the one that can save life. Es gibt eins, was Leben retten kann. Mais il y a un pain qui peut sauver la vie. You cannot see two bread from heaven. One is visible and the other is invisible. Wir sehen zwei Brote, eins ist sichtbar und eins ist unsichtbar. On voit deux pains différents. Un pain qui est vivant, qui est visible et un pain qui est invisible. Are you getting it? Amen. You know, one, you can just eat it as you are eating a puri. And the other one is invisible. The natural man cannot even see it. That's what is in this. Das eine kannst du einfach so essen und dir, keine Everybody Ahnung, can see it. Dir Nutella drauf machen beispielsweise und das andere ist aber nicht sichtbar. Mm. Donc un pain c'est visible, tu peux même tu peux le manger physiquement, naturellement, mais l'autre c'est un pain que tu te nourris avec ça sans le ça mais qui n'est pas visible, donc c'est oui, c'est spirituel. Amen. Amen. Mm. You know, if you go to Psalm 78, it will help you to know the visible bread from heaven. Das sichtbare Brot des Himmels. Et ça va t'aider à comprendre le pain das sichtbare, non? Yeah, the visible. Okay, le pain visible du royaume des cieux. Ah oui, voilà. If you... Psaume 78 nous fait voir le pain visible du royaume des qui venait aussi du ciel, qui tombait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go there. I have to know what else to do, but let's go. Because you already know it. Praise the Lord. Amen. Psalm 78. Psalm 78. Psalm 78. From verse 18. 18. Verset 18. He said, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Mm-hmm. Verse 19. 19. 19. Yea, they speak against God and said, can God furnish a table in the wilderness? Mm-hmm. Can he put money inside my account? Can I get in my konto packen? Ici se disait, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Tout comme toi aussi, tu te demandes, est-ce qu'il peut me donner de l'argent seulement comme ça dans mon compte? Can he pay all my bills? Can he pay all my bills? God's children believe their bills are bigger than God. Kinder Gottes glauben, dass ihre Rechnungen größer sind als Gott. Est-ce qu'il peut, tu te demandes aujourd'hui, est-ce qu'il peut, il peut payer mes factures? Les gens dans ce monde, les enfants de Dieu même, ils pensent que l'Éternel est plus grand, que leurs factures sont plus grands que Dieu. Aber unterschätze den Herrn. Mais tu ne dois jamais sous-estimer l'Éternel. They always see their desire bigger than God. Sie sehen ihre Wünsche immer größer als Gott an. Eux, ils voient leurs vœux. Donc, ce qu'eux, ils veulent, ils le voient que c'est plus grand que Dieu est impossible à les bénir ou à faire n'importe quoi. Amen. Amen. Verse 20. Behold, he smote the rock, that the water gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Praise the Lord. Hallelujah. Verset 20. Unterschätze den Herrn nicht. Il se demande, pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Malgré il voyait que l'Éternel les a déjà donné de l'eau ou bien l'abondance et continue à douter. Amen. Like Papa John said, don't question him with your reality, with some of what you are seeing, what you know, no hope at all. You question him with no hope at all. Mm-hmm. Nothing, because people are seeing a place where they still have hope. Mm-hmm. When all hope gone, they are just down. Und Leute haben immer noch Hoffnung, wenn sie immer noch einen weltlichen Plan B haben. Aber wenn dieser weltliche Plan B auch weg ist, fangen sie an, den Herrn in Frage zu stellen. Donc, faut jamais questionner l'Éternel, parce que les gens ont toujours l'espoir. Mais quand ils ont commencé, quand ils sont dans un, ils n'ont plus d'espoir, ils ont commencé à dire, mais est-ce que Dieu est capable de faire ceci, cela? Est-ce qu'il existe même? Et ça, c'est vraiment dangereux. On ne doit jamais le faire. You know, Jesus asked the people. He said, "Is there anything impossible with God?" Jesus hat die Leute gefragt, ist das irgendwas, was unmöglich ist mit Gott? Et Jésus-Christ a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Don't say that your problem so big that it's bigger than him. Sehe das Problem nicht so groß, sondern es ist größer als er. Et ne vois jamais que ton problème est plus grand que l'Éternel. Put that problem in his position. Position where it belongs. Pack dieses Problem, ja, lass dahin, wo es hingehört, unter deine Füße. Et remets ce problème là où ça appartient. Ça appartient sous tes pieds. Amen. Amen. Verse 21. Therefore, the Lord 21. Er hört unsere Beschwerden. Er hört unsere Gedanken. L'Éternel, lui, en 21, on voit aussi que l'Éternel entendit ça. Donc, il entend tout ce que tu dis. Quand tu es en train de te soucier ou bien tu es en train de douter, lui, il écoute ça. I'll be praying, I'll pray, I'll pray. Nothing is done. It's as if nothing. He's hearing it. Ich habe gebetet und gebetet und es sieht so aus, als ob nichts funktioniert. Je dis, j'ai prié, mais c'est comme si rien ne se passe. Et ça, l'Éternel déteste. That you are still here on earth. Don't you know that it's him? Dass du hier noch auf Erden bist. I thought we pray that prayer. Merkst du nicht, dass es er selbst ist? Mais le fait que tu n'es pas encore mort, que tu es ici sur terre, tu n'es pas capable à voir que c'est l'Éternel qui te donne déjà une grande grâce à vivre ici sur terre. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You always go to, you know, your where there's nothing. You don't start from where there's something. Where there's something. Mm. That you are there at all, alive at all. To be there, to even pray that prayer. Don't even be able to think. Some people are alive, they cannot even think anything. Yeah. Go to the hospital. Dass wir überhaupt am Leben sind, umzudenken, ne? Dass wir überhaupt in der Lage sind zu denken. Es gibt viele Menschen, die nicht mal mehr ihren Verstand nicht mehr Herr über ihren eigenen Verstand sind, nicht mal denken können. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de... Toi, tu dis que moi, je prie, je suis en train de penser, mais l'Éternel ne fait pas, il n'agit pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier aussi, de penser aussi, qui sont même en vie, mais ils ne sont même pas capables à parler ou bien à bouger. Tu peux voir à l'hôpital. Et toi, tu es vraiment ingrat. You know, there's a saying that some people are crying, they don't have shoes. But there are people without legs. Und es gibt ein Sprichwort, was sagt, Leute beschweren sich, weil sie keine Schuhe haben. Aber es gibt Menschen, die keine Füße haben für Schuhe. Il y a des gens qui sont en train de dire que oui, ils n'ont même pas de l'argent pour les chaussures sont vraiment abîmées. Mais il y a d'autres personnes qui sont en vie, qui n'ont même pas des pieds. Et toi, tu es en train de te lamenter parce que tu n'as pas des chaussures. Those people without legs, they will be grateful. If they have legs without shoes. Die Leute, die keine Füße haben, wären dankbar, wenn sie Füße hätten ohne Schuhe. Parce que les gens maintenant qui n'ont pas de pieds, eux, ils sera ils voudra même avoir les pieds, même s'ils n'ont pas des chaussures. Ils vont se contenter seulement pour avoir les pieds. Are you getting something, please? Amen. Amen. But you. Et toi? Amen. Be satisfied with Christ. Sois zufrieden mit Christus. Sois satisfait avec l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Be satisfied with Him. Sois zufrieden mit ihm. Sois satisfait avec Jésus-Christ. Again, there is nothing here on earth. Es ist nichts hier auf Erden. Il y a rien ici sur terre. Solomon called it vanity upon vanity. Solomon hat es Nichtigkeit über Nichtigkeit genannt. Solomon a appelé il a dit que tout ici sur terre est vanité. They follow you to nowhere. Und du kannst es nirgendwo hin mitnehmen. Et tu peux rien emmener avec toi quand tu meurs. You know, if people die, it's only 6 feet that they can even occupy. Nothing else. So don't even occupy anything. They burn them and throw them in the earth. Wenn Leute Amen. Versterben, don't occupy anything. Not even 6 feet. Werden sie nur in die Erde begraben und haben einen kleinen Ort, in dem sie halt Bereich, den sie ihren eigenen nennen können. Oder sie werden sogar vielleicht verbrannt in eine Urne gepackt oder verstreut. Il y a beaucoup de gens qui sont, malgré ils ont beaucoup ici sur terre, quand ils vont mourir, on va même les brûler et seulement leur poussière, la poussière de leur corps qui va rester. And those things you have been fighting to have, they are still there. Und diese Dinge, to somebody else. Für die du die ganze Zeit gekämpft hast, bleibt no zurück. No wonder Jesus said, labor for the meat that never perish. Kein Wunder, dass Jesus sagt, wir sollen für die Speise arbeiten, die niemals vergeht. Donc ça signifie que toi tu es en vie. Tu es en train d'étudier, de travailler, de te fracasser, mais tu meurs. Tu as aussi obtenu tout ce que tu voulais avoir. Tu meurs, on te brûle. La grande maison là que tu avais achetée, ça reste. Et c'est pour cela l'Éternel dit que tu dois vouloir travailler pour la nourriture qui ne périt jamais, qui est impérissable, que tu vas même emmener, même qu'on va brûler ton corps. Some are so busy with the past that their future is a problem for them. Einige sind so beschäftigt mit ihrer Vergangenheit, dass die Zukunft ein Problem ist für sie. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment occupés avec le passé et le futur. Pour eux, c'est même un problème. Donc, ils sont en train de se mettre des cales et des limites parce qu'ils ont des problèmes à avancer vu que le passé a été trop dur. Are you getting something? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Allow Jesus Christ to be everything. Lass zu, dass Jesus Christus alles für dich ist. Du gehst zu einer anderen Welt. Amen. Permet l'Éternel Jésus-Christ à être tout pour toi, parce que toi tu appartiens à notre monde. Learn to allow the old to be dead and buried. Lerne zuzulassen, dass das alte tot und begraben ist für immer. Amen. Apprends à vouloir comprendre que l'ancien est mort et enterré. Amen. Et toujours. Not be of double minded. Sei nicht zweigesinnt. Faut pas avoir deux mentalités en fait. Amen. Don't love your family and love Jesus Christ. Liebe deine Familie und liebe Christus, sondern liebe Christus alleine. Tu ne dois jamais vouloir aimer ta famille et Jésus-Christ. Non, tu dois aimer seulement Jésus-Christ lui-même. Donc faut pas avoir deux côtés. Tu dois It's not adorer. I love my children, I love Jesus Christ. Ich liebe meine Kinder und ich liebe Jesus Christus. C'est pas, que tu dis que j'adore mes enfants et j'adore aussi Jésus-Christ. Non, tu dois seulement te décider, tu dois pas faire un pied à gauche, un pied à droite. You cannot pursue two rats. Du kannst nicht hinter zwei Ratten herlaufen. Parce que tu peux pas poursuivre deux rats. Tu peux seulement poursuivre Amen. Un seul rat. You cannot serve God and Mammon. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Tu peux pas servir ou bien travailler pour Dieu et le Mammon. No wonder Jesus said you have to hate all. Kein Wunder, dass Jesus sagt, du musst alles hassen. Et c'est pour cela Jésus-Christ dit que tu dois détester tout sauf lui-même. Amen. I pity those that are still there. You know, they love their family. They love Jesus. They will say they love Jesus Christ. You love yourself. Die immer noch sagen, dass Jesus lieben und ihre Familie lieben, aber sie lieben eigentlich sich selbst und nicht Christus. Et moi, les gens qui disent que oui, ils aiment Jésus-Christ, mais ils aiment aussi leur famille. Ça, c'est faux. Ces gens-là aiment seulement eux-mêmes. Donc, si toi-même, tu veux avoir, tu te fais ton propre image. Donc, c'est pas vrai que tu aimes seulement Jésus-Christ, tu aimes toi-même, tu es égoïste, en fait. Amen. If you love your family and you love Christ, it's about you. Wenn deine Familie liebst und Christus liebst, geht es um dich und nicht um Christus allein. Si tu aimes ta famille et le Christ, ça signifie que tu aimes que toi-même et pas Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We are talking about the system of the kingdom of heaven. Religion, we say love your family and love Jesus Christ. Then in heaven, it's love Christ. It's based on Christ alone. Religion sagt liebe deine Familie und liebe Christus, aber im Königreich Himmels geht es nur darum Christus zu lieben. Weil es auf Christus allein basiert. La religion nous apprend que tu dois aimer Jésus-Christ et aussi ta famille, mais la Bible, le royaume des cieux, Jésus-Christ, elle nous fait voir que tu dois aimer Jésus-Christ lui-même parce que sinon tu ne seras pas vraiment capable à lui suivre comme lui veut que tu puisses lui suivre. Tu auras toujours en arrière ta famille. Donc ça signifie que tu dois être focalisé seulement à lui. You better learn to love Christ alone. Lerne Christus allein zu lieben. Es ist für dein eigenes Wohl. Et c'est pour cela, c'est pour ton propre bien d'apprendre à aimer Jésus-Christ lui-même. C'est pour ton propre bien en fait. You know, if you say you love Christ and you love your children, it's a matter of time your children will deal with you, and you think that is how Christ is. They will deal with you because the flesh profited nothing. It's a matter of time the flesh is going to deceive you, to bring. You know, it's like the nature of the flesh is always there. It can never be hidden. Wenn du sagst, dass du Christus liebst und deine Kinder liebst beispielsweise, dann wirst du irgendwann, wenn deine Kinder dich dann auf einmal anfangen halt zu provozieren oder dich verletzen, wirst du denken, dass Christus genauso ist. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Fleisch sich manifestiert in diesen Menschen und du wirst diese Leute nicht mehr lieben können. Mm. Par exemple, si tu dis que j'aime ma famille et j'aime aussi Jésus-Christ, c'est une question de temps jusqu'à ce que ta famille va te décevoir et tu seras vraiment déçu et tu seras choqué et tu vas commencer à penser que l'Éternel aussi est comme ça. Parce que le truc est avec les histoires charnelles comme la famille, tes enfants, tes parents, les choses qui sont charnelles, c'est seulement il y a une question de temps pour qu'ils puissent te blesser parce que c'est charnel, c'est la famille, ça va te blesser. Mais si tu es en train de suivre seulement l'esprit, ça ne va même pas t'affecter, tu seras si mature que ça. en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Love your children. Love your mother, your father. Love them with the love of Christ. Mm-hmm. And the only way to love them with the love of Christ is loving Jesus Christ alone. Liebe deine Amen. Familie, deine Kinder, deinen Ehemann, deine Ehefrau durch Christus. Und du kannst nur durch Christus lieben, indem du Christus allein liebst. Tu dois aimer ta famille. Si tu veux aimer ta famille, tes parents, tes amis, tout le monde. Si tu veux vraiment, réellement les aimer, tu vas les aimer avec l'amour de Jésus-Christ. Mais avec l'amour de Jésus-Christ, c'est comment? C'est quand tu aimes que Jésus-Christ. Parce que c'est lui, cet amour que tu as envers lui, qui va manifester aussi avec ta famille. Donc, c'est pas que toi-même, tu fais cette œuvre de l'amour, mais tu le vois, lui, et lui, il va t'aider à les aimer. Parce que si tu le sépares, tu auras un grand problème à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 21, it said, therefore, the Lord heard this. Verset 21, l'Éternel l'a écouté. Il nous écoute toujours, l'Éternel. You can see what you love. Il peut voir ce que tu aimes. Lui, il peut voir ce que tu aimes et il sait que c'est pas seulement lui-même. Das ist nicht er alleine. Amen. Praise the Lord. And certain people can see it. Jesus, I know. Paul, I know. Who are you? You know, you can see that it's not only Christ. You also love me. Because loving family, loving mother, loving father, loving children, loving your own children in the flesh is loving Christ. It's loving Satan. Did the Satan know if you love him? Unsere Familie im Fleisch zu lieben bedeutet den Satan zu lieben. Der Satan weiß, ob wir ihn lieben. Et le fait d'aimer notre famille dans la chair charnellement et pas avec l'amour de Dieu, c'est aimer aussi le diable, et le diable le sait aussi que tu l'aimes, parce que Dieu est en train de considérer la chair et pas l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. In verse 21. Verset 21. He said, therefore the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. 22. Because they believed not in God and trusted not in his salvation. Salvation. You have to trust him that you are saved. Du musst ihm vertrauen, dass du errettet bist. Tu dois vraiment faire confiance à l'Éternel que tu es sauvé. Christ is your salvation. Christ ist unsere Rettung. Parce que le Christ est ton salut. How? Wie? The gospel is your salvation. Weil das Evangelium unsere Rettung ist. Comment? Parce que l'Évangile est ton salut. That's why, you know, Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. It's my salvation. Saint Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus, denn es ist meine Errettung, es ist Gottes Kraft. Et c'est pour cela Paul dit que moi je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est ça mon salut. He called it the power of God. Et c'est la Kraft Gottes. Il appelle l'évangile la puissance de Jésus-Christ. Our salvation, the power of Christ Jesus is our salvation. Unsere Rettung, die Kraft von Christus Jesus ist unsere Rettung. Notre salut, la puissance de Jésus-Christ, c'est notre salut. And that is his gospel. Und das ist sein Evangelium. Et ça, c'est son évangile. That you are hearing all the day. Dass wir immer wieder hier hören. Le fait que tu es capable d'écouter gospel. La vérité chaque fois. Das wahrhaftige Evangelium. Le vrai évangile. Verse 23. He said, though he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. They ate the food of heaven, heavenly food. Die aßen das Brot des Himmels, himmlisches Essen. Et ils ont mangé le pain surnaturel du ciel. Look at verse 25. I love it. Verset 25. Who will join me to read it? Want to go? Man, ils mangeront tout le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. You see there? Man did eat angels' food. He sent them meat to the fool. Angels' food. Yeah. Angels have their food. Hat ihnen diese Speise gegeben. Et il a donné la nourriture des anges. Engel haben eine Speise. Donc les anges ont aussi leur propre nourriture. Food from heaven. Speise aus dem Himmel. La nourriture du ciel. Verse 26 says, he caused an east wind to blow in the heaven, and by the power he brought in the south wind, he rained flesh also upon them as dust, and fattened fowl like as the sand of the sea. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitation. So they did eat. Is somebody getting something? Mm-hmm. They ate heavenly food. Ils ont mangé la nourriture céleste. And the Bible called it their desire, because they had, that was their desire. It gave them their desire. Der Herr gab ihnen ihre Wünsche. Et cette nourriture qu'ils ont mangé, l'Éternel appelle, il les a donné la nourriture de leur désir, parce que c'est eux-mêmes qui étaient en train de se lamenter et se demander est-ce que l'Éternel est capable de faire ça. I don't want any desire that is not his desire. Je veux keine Wünsche, die nicht deine Wünsche sind et für moi, mein Leben. Je ne veux pas, je ne veux aucun désir qui n'est pas son désir dans ma vie. Praise the Lord. Alléluia. This, you know, this food, there are visible food from heaven. That we just read. Speisen, sichtbare Speisen des Himmels. Et ces nourritures, ce sont des nourritures visibles du royaume des cieux. Amen. Again, John 6, if you go there again. Jean 6. Let's go there. Johannes 6. Praise the Lord. Si on part à Jean 6. Amen. Amen. John 6, please. Johannes 6. Jean 6, 35 à 38. From verse 35. From verse 33 now. 33. Jean 6. First of all, from verse 33 to 35. 33 à 35 d'abord. Amen. He said, for the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. You know, people ask for what they don't even know anything about. Give us this bread. Ici, car le pain de Dieu, c'est quand il est descendu du ciel. Donc, les gens sont en train de demander des histoires et ils ne savent même pas de quoi ils demandent. Parce qu'ils ont demandé le pain. You know, if you even look at the Lord's Prayer, it's as if God, Jesus is saying, you know, give us this bread. This day, our daily bread. Mm. Our daily bread. He's not talking about all this food, bread and butter. All this food. He's talking about Christ. Jesus spricht nicht über das natürliche Essen, sondern er spricht über Christus selbst, das Evangelium. Et Jésus-Christ, quand lui parle de la nourriture, quand c'est Jésus-Christ qui le dit, il ne parle pas de la nourriture terrestre, il parle de la nourriture céleste qui est l'évangile de Jésus-Christ lui-même. Help us to understand your gospel. Hilf uns, dein Evangelium zu verstehen. Aide-nous à comprendre ton évangile, Seigneur. It's already in our spirit. Help us that it come to our mind, our soul. Es ist schon in unserem Geist, aber hilf uns, damit es in unserer Seele ist, in unseren Gedanken ist. Und wenn wir l'évangile, quand nous sommes nés de nouveau, l'évangile est déjà dans notre esprit. Mais l'Éternel doit nous aider que ça puisse sortir de notre esprit et venir de notre âme pour qu'on puisse aussi apprendre à agir ainsi. Help me to enjoy your gospel. No matter how hard it is. Egal wie hard es ist. Aide-moi how to live in heaven. Aide-moi à digérer et à vivre ton évangile, même si c'est vraiment dur, même si je le comprends pas, mais je veux le faire à travers ton aide. Because without the bread of heaven, that bread you continue to eat it, you cannot continue to be there. Jesus said, without me, you can do nothing. You cannot continue. Du kannst nicht weitermachen ohne das Brot des Himmels, ohne Christus Jesus. Du kannst nicht da bleiben, Königreich, denn er sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Et tu ne peux pas rester dans le royaume des cieux, parce que tu as vraiment besoin de lui sans Jésus-Christ, donc tu ne peux rien faire. Tu as besoin de lui, la nourriture, donc de l'évangile de Jésus-Christ lui-même, pour être capable à vivre et à rester dans le royaume des cieux. And then, so I know when people live here, before you know it, you are so... Next time, you don't even know them any longer. They are going from fry pan to fire. It's just from... Because, you know, once you stop eating here on earth, it's a matter of time you are going to die. Are you getting it? Mm-hmm. You might not die that very day, but some will die that very day because some, they don't just talk about food at all. Amen. How many of you can stand for 21 days without? Nobody here. Und, yeah. 21. Well, you know, for me, it's without Christ. Amen. Amen. Amen. I cannot stand. Amen. Und, wir sehen das auch hier in der Gemeinde, dass wenn die Leute die Gemeinde verlassen, dass sie irgendwann das ihr Leben so auf den Kopf gestellt ist, weil sie einfach weg sind von dieser Nahrung, ne? Dieser Nahrung. Is a matter of time. Yeah, out of the branch. Und wir sehen es halt auch in der Welt. Das ist mal für 21 Tage nichts. Und guck mal, wie du aussehen wirst, ne? Und wie du sein wirst. Das macht etwas mit dir. Das verändert deinen Körper, dein alles. Donc ça signifie que quand tu les gens sont ne sont plus de l'église, ne viennent plus à l'église ici, par autre pas dans une autre place, tu vas voir que les gens ils ont un peu changé, donc ils ont une attitude un peu bizarre, ils sont pas vraiment très à l'aise, mais ils font genre ils sont à l'aise, et c'est comme ça aussi parce qu'ils ne prennent plus la nourriture que vivante, ils n'ont pas la vraie nourriture de l'esprit, et c'est ça qui va faire changer ton corps. C'est comme si tu manges quelque chose, tu manges la nourriture mais tu n'as pas les vitamines que tu as besoin, ton corps va aussi changer. There was a lady that left here, and when she was now, after some months, when she was speaking to me on phone, oh my God, I could not know her any longer. It was like day and night. Everything coming from her mouth. I said, how somebody can just change just like that? It's unbelievable. Everything. There was nothing different. She was not different from the world, from them at all. It was absolutely. There's nothing to show that she was once here. Und without Christ, als without Christ, continuation. Diese Gemeinde verlassen hat, habe ich auch mal mit der Person dann Monate später telefoniert. Und ich habe diese Person am Telefon nicht mehr wiedererkannt. Es war so, als ob sie eine andere Sprache sprechen würde und nie die Wahrheit kannte. Und ich war so schockiert, wie schnell das gehen kann, wie schnell man einfach ein Ausländer werden kann, ne? Vom Königreich Gottes. C'est comme il y avait une fille qui était ici, qui était vraiment forte ici à l'église. Et quand elle n'est plus venue à l'église, après quelques mois, elle m'a appelée, on a parlé. Et j'étais surprise. Je pensais que je parlais avec une autre personne. Parce qu'elle avait vraiment changé. Et puis tu pouvais voir qu'elle ne se nourrit plus de l'esprit. Et elle avait totalement changé. Et ça va vite. Parce que c'est la nourriture céleste te manque. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 33 again, please. 33. For the bread of God is he which come down from heaven and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Verse 35. 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life.